Paire de gars, le show de radio. Voici Max Lalonde et Étienne Dano. Bonne semaine tout le monde, tellement content de vous accueillir une fois de plus pour une autre édition d'Affaires de gars. Je me présente, Max Lalonde. Toujours en compagnie d'Étienne Dano. Étienne, salut! Hey, je suis là comme un seul homme. Oui! Et nous sommes très heureux de que vous soyez aussi fidèles. Il y a des gens qui nous écrivent sur les médias sociaux. Ne vous gênez pas de dire que vous nous écoutez parce qu'on joue dans plusieurs villes et un peu partout en province. On veut savoir, des fois, là, nous, on enregistre de Valleyfield. Des fois, on nomme Valleyfield, mais on a des gens qui nous écoutent en Estrie, des gens en Abitibi. Gênez-vous pas pour nous écrire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Puis moi, personnellement, je ne sais pas pour toi, Max, mais moi, je réponds tout le monde. Ben absolument, puis moi, je me fais un devoir de le faire également. Puis tu parlais des gens dans les différentes régions du Québec. Merci tellement d'être là. On joue au Max 103 à Valleyfield. On joue à Sing FM, Aquaticook, Radio Boréal également, du côté d'Amos, dans en Abitibi. Et on est chanceux de pouvoir faire un projet comme celui-là, parce que ce projet-là, Affaires de gars, de un, nous permet de collaborer avec le site affairesdegas.com, qui est vraiment super cool, qui est un site pour lequel j'avais déjà écrit. Un site que j'aimais beaucoup, mais ça nous permet aussi de rencontrer des personnalités vraiment cool et d'approfondir, discuter, puis prendre du temps justement pour discuter sur des sujets qui nous interpellent, les gars et les filles aussi. Puis tu sais, c'est drôle parce que... On n'exclut pas personne. Non, on exclut pas. Le show s'appelle Affaires de gars, mais c'est deux gars qui l'animent avec des invités qui sont assez cool. Et aujourd'hui... Notre invité, comment qu'on pourrait le décrire? Écoute... Premièrement, il est unique. C'est un personnage. Unique. C'est le master de la couture urbaine planétaire, Bugarici, sera avec nous autres aujourd'hui. Marc Lessard de son vrai nom. Ouais, Marc Lessard de son vrai nom. Si vous avez aucune idée de qui est Bugarici, allez sur Facebook. Google et tapez Bugarici. Quand vous allez voir la photo de l'individu, c'est pas une farce, c'est vraiment lui. C'est un personnage. Très coloré. Je sais pas comment ça va virer tantôt l'entrevue, mais j'ai comme l'impression que ça va tirer partout. Bon, on veut parler d'audace avec Marc, parce que Marc Bugarici, Master Bugarici, on va l'appeler comme faux, Master Bugarici, a travaillé en construction pendant 18 ans. Puis à un moment donné, il a tout sacré ça là. À 40 ans. À 40 ans pour se lancer dans la mode et, comme il dit lui-même, vendre la Guinée. Ouais, exact, il dit Guinée. C'est quand même spécial. C'est quand même, c'est poussé, c'est, ça prend de l'audace, ça prend du guts, ça prend aussi ton entourage qui t'appuie, parce que sa blonde, là, elle a pas fait genre, tu te ramasses avec plus rien demain matin. Hein? Ben, c'est parce que, puis ça dépend c'est quoi le projet, tu sais, mettons que t'es un entrepreneur à succès ou t'as une business en construction, puis ton rêve c'est de jouer du saxophone, puis t'annonces à ta blonde que demain, chérie, je joue une troupe de théâtre ou je m'en vais jouer du sax, tu sais, des fois les réactions, mais ça prend... le guts de le faire. Ouais. Et c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui, d'audace. Exact. Juste pour donner une idée, là, quand on est allé le voir à sa boutique, à son atelier, on lui a demandé, Marc, Master, tu veux-tu venir à notre émission? Il est parti puis il a parlé pendant 20 minutes. Tu sais, c'était juste ça notre question. Fait qu'imaginez, je sais pas combien de questions qu'on va poser, Max, mais moi j'en ai préparé juste deux. Oui, on n'a pas besoin de plus que ça, mais on va avoir du plaisir avec lui. Puis quand on parle d'audace, évidemment, on va en parler avant. Tu sais, on a une couple d'exemples. C'est quoi l'audace aujourd'hui en 2017? C'est quoi avoir l'audace, la confiance en soi de prendre certaines décisions? Puis est-ce qu'on en manque à certains égards? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, au Québec, est-ce qu'on manque d'audace un peu? Moi, je pense que oui, à plein de niveaux. En entrepreneuriat, on met pas de l'avant assez nos entrepreneurs. On manque d'audace pour créer des trucs, pour créer... Tu sais, puis je pense qu'on a de la difficulté à accepter le virage numérique, puis les nouvelles plateformes, puis tout ce qui nous est garoché d'en face à la vitesse de l'éclair en 2017. Et on va parler aussi de job, parce que l'audace, c'est... Est-ce que vous faites ce que vous aimez dans la vie? Est-ce que, tu sais, ce que Marc a fait, tout ça a créé cela pour se lancer dans une aventure qui est un rêve. Il y a des gens qui nous écoutent qui l'ont déjà fait. Il y a du monde qui nous écoute qui l'ont déjà fait. Tu sais, Pierre Hébert, un de nos amis en commun, Pierre, étudiant en psychologie. Oui. Il voulait être psychologue. À un moment donné, il a tout sacré cela, mais il est un comic. D'ailleurs, son plus récent One Man Show s'appelle Le goût du risque. Oui. Du jour au lendemain. Puis d'ailleurs, il avait fait quelque chose d'audacieux, Pierre. Il avait fait sa promotion. Vous ne savez pas pour qui vous achetez des billets. Ils sont juste 20$. L'humoriste mystère. Exactement. Êtes-vous game d'en acheter? Puis il en a vendu 20 000. Puis rappelez-vous de ça. L'humoriste mystère, quand ça a sorti, moi, je le trouvais de ton. que c'était une idée de génie. Ouais. Bon, à la base, les réactions m'ont un peu fait rire. Parce que les gens achetaient des billets à 20$ pour un humoriste qu'ils connaissent pas. Là, comme Pierre l'expliquait à l'entrevue, un moment donné, il y en a qui étaient déçus parce que c'était juste moi. Genre, mais maintenant, tu as juste payé 20$ aussi. Tu as juste payé 20$. Madame a dit, mais là, je pensais que ça allait être genre Martin Matt. Mais non, mais Martin Matt, tu sais. Martin Matt, t'as pas besoin de faire ça pour vendre des... faire de la promotion. Martin Matt, il en a vendu 50 000 en 24 heures. Là. Il a pas besoin de faire une promotion dans ce genre-là. Hey, c'est fou pareil, tu sais. Son nouveau spectacle qui est annoncé il y a quelques semaines déjà, ouais. Le Martin Matt, il a là 50 000 billets en 24 heures, imaginez. Là. Ouais. Puis, tu sais, quand on parle d'audace puis de confiance en soi et de prendre des risques, aujourd'hui, puis tu le vis, être entrepreneur en humour, se produire, faire des shows, partir en tournée, ça en prend de l'audace puis de la confiance en soi. Puis ça, il faut que tu aies le goût de risquer des sous puis de l'argent puis de mettre en jeu ce que tu as. Être entrepreneur tout court. Absolument. Ouais, le nombre de personnes... Max, je sais pas si tu vas réitérer sur mon point. Le nombre de personnes dans mon entourage, des amis, surtout beaucoup d'amis du secondaire, des amis de longue date qui me disent... Hey, J'aurais aimé ça faire ça. Ils ont 35, 36, 37 ans. Bugarici, du tout au tout, là, on va y revenir quand il va être là. Mais moi, j'ai de la misère à dire hey, on a juste une vie à vivre. Peut-être que je suis trop YOLO, peut-être que je suis trop. Justement, on a juste une vie à vivre. Moi, j'ai été refusé deux fois à l'École nationale de l'humour. Es-tu sérieux? Oui, j'ai été refusé deux fois. J'avais 21 puis 22 ans. Je me rappelle la première fois, c'est l'année des attentats, c'est en 2001. Et j'étais à l'université, puis je me rappelle, j'ai fait hey, « moi, je vais arrêter mon bac si je t'acceptais à l'École nationale de l'humour. » C'est ça que je me disais. Puis j'ai été refusé deux fois. Puis j'ai été un an sans en faire, puis après ça, j'ai essayé de faire. Il y a quelqu'un, j'ai croisé un ami qui me dit « Hey, t'as-tu toujours le goût de faire de l'humour? » Je vois, l'École de l'humour m'a refusé. Il me dit « Tu penses-tu que l'École de l'humour, ils ont la vérité absolue? » Fait que là, je dis « Non, mais... » Je pensais que c'était un passage obligé. Puis là, j'ai catché que mes idoles, dans le temps, mais que j'aime encore beaucoup, là, Patrick Groux, Réal Bellin, il n'avait jamais fait l'École d'humour, puis il vivait de ce métier-là. Et là, j'ai foncé, puis aujourd'hui, j'ai 37 ans, puis ça fait 10 ans que c'est mon métier à temps plein. Puis avant ça, j'étais une couple d'années que je faisais ça à temps partiel, je manquais un peu de guts. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire, malgré les hauts et les bas, parce que des fois, je fais « Hey boy, pourquoi je me donne ce edge-là? » Ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est vertigineux. Là, je fais « Pourquoi dans le prochain mois, ça se peut que je gagne rien? » Puis le mois d'avant, j'ai refusé tel contrat pour essayer de faire telle chose. Mais au fond de moi, cette job-là me drive. Puis c'est ce qui fait que dans le reste de ma vie, dans mes autres points de ma vie, que ce soit en amour, en amitié, en famille, c'est ce qui fait que je suis heureux puis je suis plus positif. Puis le nombre de personnes que je vois autour de moi qui font « Ah, mais moi, je suis heureux dans ma maison avec ma famille. » Puis tout, puis c'est beau, là. Un beau décor, là, comme dans le film avec Jim Carrey. La clôture blanche puis les chiens. C'est ça, exactement. C'est quoi déjà le film avec Jim Carrey? Le quotidien. Le Truman Show. Ouais, Truman Show. Comme dans le Truman Show, là, tu sais, qui répète bonjour à chaque matin. Et si j'ai pas le temps, je souhaite une bonne nuit. c'est vrai, c'est ça qu'il disait tout le temps. Puis à chaque fois, je leur parle de leur job. Puis ça va-tu bien à job? Moi, j'ai un de mes chums, il travaillait pour la shop à un de ses oncles, puis il a fait « Hey, moi, j'ai toujours voulu être intervenant avec les jeunes, puis tout, mais j'ai pas eu le guts, puis ça me fait peur un peu Montréal, parce que lui, il voulait être intervenant à Montréal, puis il a lâché la job, il retourne aux études à 28-29 ans, puis aujourd'hui, c'est ça qu'il fait dans la vie, tu sais, puis il gagne moins qu'il gagnait à la shop à son oncle. » Absolument, mais il est plus heureux, des fois, l'argent, tu sais, l'adage, l'argent fait pas le bonheur. Ben, des fois. Ben, en fait, c'est parce que tu peux faire de l'argent d'une job que t'haïs ou tu peux en faire un peu moins d'une job que t'aimes. Puis, tu sais, les statistiques sont. Je les ai sorties, là, je les ai. Vas-y. On dit qu'en Amérique du Nord, là, c'est 9% des gens qui font un travail qu'ils aiment profondément. Combien? Fait, 9%. Hey, imagine, là. Une personne sur 10. Une personne sur 10 qui nous écoute présentement est capable de dire moi, ma job, là, j'adore ça. J'aime ce que je fais, j'adore ça. Ça veut dire qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ont été game de dire « Moi, ma job, je l'aime pas. » Mais pas nécessairement qu'ils l'aiment pas. C'est pas que t'aimes pas ta job, c'est que tu fais une job dans laquelle t'es bon, t'as des aptitudes, mais c'est pas ça qui drive ta vie au grand complet. Mon meilleur chum est actuaire. Moi, il me l'a souvent dit, il dit « Tu grandis pas en rêvant d'être actuaire. » Tu sais, j'avais pas des posters des meilleurs actuaires au monde dans ma chambre. Tu sais, c'est plus... À un moment donné, j'avais une facilité avec les chiffres. Je me suis inscrit là-dedans parce que je savais que c'était une bonne job, que j'allais faire des bons salaires puis que ça allait faciliter ma vie après. Parce que l'argent fait pas le bonheur, mais quand t'en as, c'est mauditement plus facile. Ça, je suis d'accord. Ça, moi, les gens qui essaient de me faire croire que « Ah non, non, on est heureux quand même, attends un peu. » Non, non, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, puis lui, il me le dit souvent, il dit « J'aime ma job, j'aime ce que je fais, mais je rentre pas à job en gambadant le matin, puis quand j'arrive à mes vacances, je suis content de partir en vacances. J'ai jamais rêvé d'être actuaire. J'ai les aptitudes pour le faire, et ce que ça me procure, ça me donne la chance d'avoir un beau rythme de vie. Puis il y en a plein. Tu sais, puis j'enlève rien à aucun travail, mais tu grandis pas en rêvant d'être comptable. Non, c'est d'accord. Tu grandis pas en rêvant. Tu vas être joueur de hockey, tu vas être astronaute, tu vas être dentiste, tu vas être... tu sais, mais l'audace, pour moi, passe beaucoup, et le bonheur, par la job. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce qu'on va passer 75% de notre vie à faire ça. Si t'aimes ta job, t'auras pas besoin d'aller au travail. Ça deviendra pas un supplice pour toi. Tu sais, remarquez, là, faites le tour dans vos cercles d'amis. Pensez là, à vos soupers d'amis, là, quand vous allez manger une gang ensemble, là, de quoi vous parlez? Parler de politique, parler de religion, parler d'un paquet d'affaires, parler de technologie. Quand la discussion vire sur « pis toi », c'est facilement perceptible que ceux qui sont moins heureux dans leur travail, qui n'ont pas eu le guts de faire telle ou telle affaire, qui sont pris dans une job qui ne les représente pas nécessairement, traînent un peu ça un peu partout dans leur vie ailleurs après ça. Cette lourdeur-là de ne pas avoir eu... Tu sais, moi, j'ai une de mes amies à tout sacré là pour aller s'établir en Australie. T'sais, ah oui? Ouais, elle... Elle rêvait de travailler en communication, ça marchait pas. Elle était au Québec, elle s'essayait. Maintenant, elle est partie faire un échange étudiant à Perth, en Australie. Elle rencontrait un gars là-bas, tombe en amour avec. Elle revenait au Québec, mais elle revenait au Québec pour dire à ses parents qu'elle déménageait là-bas. Puis, tu vois... Que c'est officiel. Puis c'est pas parce qu'elle est en amour avec un gars là-bas. Là. Non, elle s'est juste dit, si je shake pas le pommier un peu, il arrivera jamais rien dans ma vie, puis je serai jamais heureuse. Je vais aller l'essayer là-bas. Elle était pas bien au Québec à ce moment-là. Puis tu vois, au moment où on se parle, ça fait 8 ans qu'elle est en Australie. Son chum, et c'est le gars de l'époque qu'elle avait rencontré, est électricien à Perth, en Australie. Elle a une compagnie de communication, de gestion de médias sociaux, aux affaires-là, qu'elle gère de l'Australie. Elle travaille avec 5 boîtes québécoises. Elle revient une fois de temps en temps ici pour travailler avec eux autres un peu. Elle a une super belle vie, puis elle me l'a toujours dit. Si le matin que je me suis levé en Australie avec mon café sur mon balcon dans l'auberge jeunesse où j'étais, je me disais pas... de la merde, je retourne chez nous, je prends mes affaires et je m'en viens ici. J'aurais jamais ce niveau de bonheur-là dans ma vie aujourd'hui. On n'est pas en train de vous dire de faire vos valises et de sacrer votre camp. C'est pas ça qu'on dit. On parle d'audace. On parle d'audace. Ça prend quoi? Tu sais, l'audace, ça en prend pour plein de trucs. Tu sais, moi, il y a tellement de choses qu'on dit pas dans la vie. Il y a tellement d'affaires. Moi, le meilleur exemple, je suis pas capable de retourner une assiette au restaurant. J'aime pas ça. Dire à ça, ouais, non, c'était pas vrai, c'est pas mangeable, c'est pas ci, c'est pas ça, parce que j'ai peur de déplaire, parce que j'ai peur de, je veux pas, ah, mais c'est pas de la faute de la serveuse, mais là, il y a peut-être un cuisinier de moins dans la cuisine, il y a peut-être un. Puis, tu sais, ça, c'est tout des. Mais dire c'est à quelqu'un. C'est l'orgueil, c'est aussi, Max, tu dis, mais c'est parce que il faut que la personne, elle le prenne bien. Parce ouais. que si tu retournes un plat, puis tu dis, hey, ça, là, ça fait pas mon affaire, ça, c'est pas de la qualité que je m'attendais, ça, c'est froid. Ouais. Bien, au final, si la personne est intelligente, puis elle prend ton commentaire, puis elle fait « ce gars-là a osé me dire ça », ben moi, je vais m'améliorer, puis mon restaurant va peut-être aller mieux. Absolument. Parce que si tu le gardes, puis tu fais juste faire par en dedans, je sais pas, mais on est peut-être 18 dans le restaurant en ce moment à être déçus, puis c'est 18 qui ne reviendra plus dans le restaurant. Tu vois, je te pose la question. Personnalité connue, les gens te reconnaissent quand tu vas à des endroits. Est-ce que ça t'empêche de chialer sur le service à la clientèle? Y a-t-il des affaires que tu fais pas? Ça dépend comment je file. Ça dépend comment je file. Si j'ai une journée que je suis super de bonne humeur, ça se peut que je fasse « ah, OK, c'est correct, ça arrive ». Mais oui, il y a des fois où je chiale beaucoup même. Moi, là où je chiale, c'est... tu sais, mettons, c'est la zone grise. Je te donne un exemple. Là, je sors du sujet un peu. Oh, oui. Tu sais, mettons, genre, tu vas dans un commerce puis ils te répondent « on n'a jamais fait ça de même ». Oui, ça, c'est ma phrase. C'est l'affaire qui m'énerve le plus. Oui, je suis correct. Je comprends que dans ton code d'éthique de ta compagnie, tu n'es pas supposé faire ça. Mais là, à l'heure actuelle, ce qui me rendrait le plus heureux puis ce qui faciliterait plus ta vie, c'est d'être dans la zone grise. On peut être dans la zone grise 5 minutes. OK, puis après ça, on ne le dit pas à personne. Ouais. Ah, mais c'est parce que s'il va le faire à toi, il va le faire à d'autres. Il m'a fermé ma gueule. Garde ça. Tu sais, on est très casanier dans nos habitudes. Ouais. Est-ce que c'est québécois comme habitude? Est-ce que c'est canadien? Est-ce que c'est mondial? Est-ce que c'est petit peuple? On va en parler. On va le demander tantôt à Bugarici. Moi, je pense qu'il a son opinion là-dessus. Je pense qu'il a son opinion là-dessus aussi. Mais tu sais, c'est parce que cette discussion-là. reviennent souvent. Ouais. On parle souvent, puis on en a parlé avec Caroline Proulx dans la première émission d'Affaires de gars. C'est vrai. Du malaise judéo-chrétien québécois d'être capable de s'affirmer puis de dire ça, moi, j'aime pas ça. Tu sais, d'avoir l'audace, puis on parle d'audace. Faut avoir les moyens, la confiance en soi et la drive d'avoir de l'audace. Et qu'est-ce qui fait en sorte que des gens en ont pas? C'est qu'il y a des gens qui acceptent certaines situations. Tu sais, à petite échelle, moi, il n'y a rien qui me fatigue plus que d'aller dans un souper ou d'être avec du monde qui veulent absolument te faire goûter un paquet d'affaires. Moi, il y a des affaires dans la vie que je ne mangerai pas. Arrêtez de m'achaler. Puis fait que, tu sais, puis... Mais ça, c'est un contraire en même temps. T'es un peu contradictoire dans ton affaire parce ouais. que t'as pas l'audace de goûter. J'ai pas l'audace de goûter, mais j'ai l'audace de dire que ça me tente pas puis je veux rien savoir. OK, ça fait que t'as un mélange des deux. Tu sais, j'ai... puis cette partie-là de nos relations interpersonnelles qu'il faut qu'on travaille entre êtres humains, être capable de se dire les affaires. Tu sais, en D'accord. couple, des fois, là, le nombre de couples que je connais, puis ça m'est déjà arrivé, là. Tu stockes, puis t'emmagasines, puis tu stockes, puis t'as de quoi dire. Ah non, mais je vais attendre, mais je dirai pas tout de suite, puis t'oses pas. Parce que je veux pas ci, puis je veux pas ça, puis je voudrais pas que. Puis là, un moment donné, il arrive une chicane, là, puis là, t'as des affaires de 6, 7 mois, 1 an qui sortent. Puis il y a 7 mois, t'as fait telle affaire, puis t'as dit ça, puis t'as. Tu sais, l'audace, pour moi, c'est d'être capable de faire, de s'asseoir, de parler, puis de dire, moi, ça. Je comprends bien, ça part beaucoup de la communication. Ouais, ça part énormément de la communication. Mm. Puis tu sais, on parle beaucoup de l'audace dans le travail. C'est dommage la stats du 9%, mais d'un sens, est-ce que si on exclut le travail de là, oui, le travail, c'est important. Ouais. Ceux qui vont chercher du bonheur ailleurs et que le travail est une période de temps passé pour se rendre à ces moments-là où eux peuvent faire un paquet d'affaires puis sont audacieux dans leur façon de dire « OK, moi, j'ai le goût d'apprendre telle affaire, j'ai le goût de courir un marathon, j'ai le goût de faire ça. Ouais. » Puis qu'ils mettent les efforts pour le faire, ça, faut admirer ça. Je suis d'accord avec toi. Toi, il y a un gars que t'aimes beaucoup, Max, que je sais que t'aimes beaucoup, qui parle souvent d'audace sur les médias sociaux. D'ailleurs, il en fait quasiment son trademark. C'est Gary Vaynerchuk. Oui, Gary V. Oui, Gary V, parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, des fois, on dit des orateurs, des conférenciers, des trucs comme ça. Puis là, tu fais « OK, c'est un peu de la psychopop », puis tu ne sais pas. Mais lui, il est quand même assez agressif dans ses propos, dans le sens pas violent, mais dans le sens « Ah ouais, il grouille-toi le cul, puis il te le dit direct, tu sais. » Puis il est fort sur les médias sociaux, ce que notre invité d'aujourd'hui est aussi. Ouais. Et c'est Gary Vaynerchuk. Comme ça, tu en parles rapidement, premièrement, de où t'entends-tu parler de ce gars-là, puis qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai une admiration sans borne pour les entrepreneurs. Tu sais, au-delà de l'artiste, là, du gars qui fait de la radio puis de la télé, j'ai un fond entrepreneurial. J'aime beaucoup, tu sais, j'étais en affaire avec des gars, on a de l'immobilier, on a un paquet de bébelles. Fait qu'à un moment donné, j'essaie de lire, moi, l'histoire de Steve Jobs, l'histoire de Elon Musk. Je suis en train de lire la biographie d'Elon Musk, le fondateur de Tesla présentement. Je trouve ça extraordinaire. Puis Gary Vaynerchuk, j'ai appris à découvrir ce gars-là par Instagram sur ses vidéos, puis je le connaissais pas tant que ça. Okay. Puis à un moment donné, j'allais lire un peu sa bio. Le gars, c'est le fondateur de PayPal. Le gars, c'est un des fondateurs de Snapchat aussi. C'est un des fondateurs de le gars a créé plusieurs affaires dans les nouveaux médias, a fait beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Puis aujourd'hui, il est un peu motivational speaker, là, tu sais. Ouais. Mais il a très pas... Très présent sur les médias sociaux. Très présent, mais le gars n'a pas la... Comment je l'explique? Il n'est pas moralisateur et il n'est pas infantilisant. C'est un gars qui est très... arrête de te plaindre. Arrêtez de vous... Moi, mais j'ai pas ça, mais j'ai pas telle affaire, puis ça, je l'ai pas, puis ça, c'est arrivé à lui, comment ça... Puis lui, il dit d'oser. C'est une de ses lignes directrices, c'est oser, lui? Oui, c'est oser. Hein? C'est toujours oser, il dit... Puis... Tu sais, j'aimerais ça jouer de la guitare, mais achète-toi une guitare, prends des cours. Ouais. Ah, mais j'ai pas d'argent pour prendre des cours. Achète-toi une guitare, emprunte une guitare à quelqu'un, va YouTube. Voir des vidéos sur YouTube, puis apprends à jouer de la guitare. Son modus operandi, il dit, avec tous les moyens de communication qu'on a en 2017, tu ne peux pas avoir. Il dit, juste avec ton téléphone, tu peux être diffusé partout dans le monde. C'est, si tu as envie d'être diffusé partout dans le monde. Puis moi, une des choses, une des vidéos que j'ai vues de lui, j'en ai peut-être pas vu autant que toi, il dit, si dans la vie, tu tripes sur les vêtements... Ouais. Fais des vêtements, mais concentre-toi là-dessus à 100%. Si tu tripes sur les tartes, fais des tartes à 100%. Si tu tripes sur les jeux vidéo, concentre-toi à 100%. Puis, tu sais, des fois, tu dis genre, moi, j'ose-tu faire telle chose dans la vie? Et moi, il y a un gars qui est un bel exemple que je connais pas. Là. J'ai juste regardé 2-3 de ses vidéos parce que je me fous un peu de son sujet, mais c'est PewDiePie. Ah, PewDiePie. Ouais, c'est ça. C'est le... Il joue à des jeux vidéo online. Exactement. Tu sais qui, lui? T'sais, ben, c'est le YouTuber le plus riche au monde. C'est le YouTuber le plus riche au monde. Lui, il a fait 2 affaires que n'importe quel parent sur la Terre dirait « Hey, je veux pas que tu fasses ça. Devenez YouTuber, puis jouer à des jeux vidéo. » Puis pourquoi il est devenu? Parce qu'il s'est dit « Moi, je vais être le meilleur à des jeux vidéo, puis je vais être le meilleur sur YouTube. » Puis bang, il fait par année environ 10 millions d'euros. Oui, en jouant à des jeux sur le web. Juste avec YouTube. Tu sais, on est dans ce modèle-là d'affaires aujourd'hui, puis c'est parce que ça a l'air facile. C'est ça le problème de ce discours-là. Ouais, c'est ça. C'est que ça a l'air facile de dire. Ouais, vraiment. Ça a l'air facile de dire, ouais, mais sacré tout ça là, ben allez réaliser vos rêves. Non, ça l'est pas. Mais tu peux pas... Tu sais, il y a des gens, malheureusement, dans la vie qui sont frappés par des décisions qu'ils ou qu'elles ont prises qui font en sorte qu'ils sont attachés aujourd'hui. Je suis d'accord. Tu sais, moi, un de mes chums a eu 2 enfants de 2 filles différentes. Puis son rêve à lui dans la vie, là, lui, ce qu'il veut, il veut être humoriste. Il m'en parle souvent. Okay. Puis il trippe, puis il va voir des shows, puis tout. Mais il dit, avec mes enfants, mon horaire, ce que j'ai à payer, ça peut pas arriver. Je suis pris, là. Moi, j'ai juste un nom pour lui. Lise Dion. Ouais. Lise Dion avait des enfants, avait pas une scène, elle traînait dans un Dunkin', puis elle a foncé pareil. Ouais, absolument. Fait que, tu sais, ben en fait, tu sais, il y a un adage qu'on entend souvent, justement, dans des motivational speakers, des conférenciers qui dit, si quelqu'un l'a déjà fait, t'es capable de le faire. Si quelqu'un est déjà allé sur la lune, t'es capable d'y aller. Si quelqu'un a déjà été humoriste, t'es capable de le faire. Mais tu sais, on parlait tantôt des conférenciers. Moi, je suis pas un grand fan de ça, dans la mesure où je suis un gars qui est capable de s'auto-motiver. Je pense cette capacité-là de me lever le matin et me faire « Bon, OK, là, on fait ça aujourd'hui. » Tu sais, le prochain affaire de gars, là, c'est une idée qui est née sur une terrasse. On s'en est voir les alouettes, moi, Pétienne. Puis, j'ai pensé à ça, ça te tente dessus. Pris le téléphone, on a appelé des stations de radio, on s'est trouvé un studio. Puis aujourd'hui, l'émission, vous l'entendez. Puis moi, j'ai un plan avec ça, avec Affaire de gars. Dans la mesure où moi, j'essaie d'être business. Moi, j'ai un plan avec Affaire. Je fais pas Affaire de gars en me disant « Ah, mais j'ai du fun avec mon chum d'ano, puis on trippe sur le fun. » Non, cool. C'est ça. J'aime ça, j'adore faire ça, ce show-là. Mais moi, j'ai un plan avec ça. Je sais où je veux qu'on aille avec ça. Puis c'est ça que je trouve que des fois, les gens vont manquer d'avoir des plans. De faire. Tu sais, tu parlais de Gary Vee, il y a une vidéo, je viens de le trouver. C'est 6 minutes pour les 60 prochaines années de ta vie. Ce qu'il dit, prends 6 minutes pour t'asseoir et comprendre ce que tu veux faire. On va écouter un petit bout. 30 years gone, a certain blueprint to understand that this is that realistic and they feel like it's a young man's sport and it's just not. Like, it's just not. It's, you know, if you got the right DNA and you're a 72-year-old female, you have just as good of a bat as a 27-year-old dude. But you've been trained and story told to and positioned and lived in a 50-year matter that doesn't feel like this thing in here is a practical way to build that. But ce qu'il dit, il dit préparez vos trucs. Tu peux arriver à 72 ans, avoir des rêves, les réaliser quand même. C'est qu'à un moment donné, d'être réaliste. Puis une de ses phrases que j'aime beaucoup à Gary Vaynerchuk, c'est quand il dit eat shit for 2 years, then eat caviar for the rest of your life. Ah, ok. Il dit mange pas bien pendant 2 ans, puis après ça, tu vas manger du caviar pour le reste de ta vie. Mais ça revient à dire un peu ce qu'on disait tantôt. L'argent est pas le but ultime de... Si tu fais de la business pour faire de l'argent, tu feras jamais d'argent. Ça arrivera jamais. Si tu fais de la business pour réaliser tes rêves, pour te réaliser, pour combler des besoins que tu as... Par passion. À un moment donné, ça va faire en sorte que tu vas réussir et ça va t'amener de l'argent et ça va t'amener une job parce que t'as beau vouloir triper sa guitare puis te dire « Je me suis acheté une guitare, je suis musicien. » Mais ça marche pas comme ça. Faut que t'ailles plus loin que ça. Puis j'ai hâte qu'on en parle avec notre invité, Bugarici. Mais Bugarici, pour ceux qui le connaissent pas... Oui, c'est ça. C'est un designer de couture urbaine. C'est le master planétaire de la couture urbaine. Son magasin est à Valleyfield, sur la rue Alexandre. Et, parce que le centre de la planète, c'est Valleyfield. C'est Valleyfield. Il a dit Paris, Milan, New York, maintenant Valleyfield. C'est le centre de l'univers. On va parler avec lui tantôt. Du jour au lendemain. Oui, boum. Du jour au lendemain, à 40 ans, boum, il a lâché la construction. Et puis en 2 ans, il est rendu très, très connu dans le monde des médias. Et il habille plusieurs vedettes. Il a même gagné un Gémeaux. Il a gagné un Gémeaux pour une série produite par KOTV, Louis Morissette. Il fait la robe de mariage de Valérie Roberts, mariage auquel tu vas assister. Ben oui. Puis là, tu commences à aimer pas mal son magasin, ben, tu commences à aller... Parce que moi, je suis pas une carte de mode. Non? Non, je suis mauvais. Moi, je vais au magasin. Là. Faut que si je suis célibataire, il faut que j'amène une de mes amies de filles. Sinon, dire, si ça match. Ben, mais même quand je suis en couple, parce qu'en couple, des fois, je prends les nerfs et je fais OK, là, sac-moi patience, là, je suis tanné. Ah, mais les filles aiment ça, nous habiller. Ma blonde, elle adore ça. Elle sait me dire que mon linge match pas et me dire ça, ça. La stratégie que moi, c'est si tu réussis à m'amener dans la cabine d'essayage. OK? Puis là, j'ai enlevé le T-shirt que je portais sur mon dos pour en essayer d'autres. C'est là, c'est le prime time. Si t'es en train de magasiner avec moi, va en chercher plein, parce que c'est là que je vais les essayer. Parce qu'une fois que je ressors de la cabine... C'est terminé. Elle dit « Hey, j'aimerais ça t'essayer celle-là. » Non, j'ai remis mon vrai T-shirt. Là. Oublie ça. C'est fini. C'est Mais j'aimerais ça savoir pourquoi t'es pas en mode. J'ai préparé les signes que Max qui vont te dévoiler pourquoi je ne suis pas à la mode. Okay. C'est écrit... pourquoi je suis pas en mode, Max? Parce que c'est écrit dans un article que j'ai dans la poche de mon manteau vu harnais en ce moment. Je suis tellement démodé que Jean Héroldi va m'amener dans la prison du style et non la contravention. La prison du style. La prison du style. Dernière fois que quelqu'un a trouvé mon linge beau, il a voulu me l'échanger contre un miroir. Ça a l'air que la mode, c'est un cycle. Tu sais, les gens disent ça, la mode, c'est un cycle. Revient. Moi, ça fait 3 fois que le cycle saute mon linge. Le gars, il est zéro fait de bon, même la mode. Exact. Je veux même pas revenir là. C'est pas que je veux pas renouveler ma garde-robe, c'est juste que mon magasin préféré a une grande variété, le Tigre Géant. Puis c'est pas parce que ma ceinture qui tient mes culottes, c'est une ceinture fléchée que je passe à jour. Écoute, j'ai un de mes chums, il tient ses culottes avec une corde. Non. Il a pété sa ceinture, lui, il a mis une corde, il met un cordon, il a lancé de botte. Il a jamais racheté? Mais non, mais lui, il dit, oh, tu veux faire une corde? Il dit, mais non, c'est bien correct, mes culottes tiennent. Un lancé de patin, mettons. Lancé de patin, c'est ça. Ça, c'est drôle avec ça. Ouais, fait qu'on va parler avec le master de la couture urbaine dans les prochaines minutes. Il s'appelle le Bugarici. Je pense que ça va être très intéressant. Très coloré. Ouais, ça risque d'être coloré. Alors, restez on là. On vous avertit. Ouais, on revient dans les prochaines minutes. Vous êtes sur Affaires de gars. Allez faire un tour sur affairesdegas.com, le site web qui nous propulse dans cette belle aventure. Max Lalonde, Étienne Danneau, on revient dans 3 minutes. Bougez pas. Affaires de gars te revient dans quelques instants. Reste là, tu peux pas manquer ça. De gars, le show de radio. Voici Max Lalonde et Étienne Danneau. Deuxième partie d'Affaires de gros, on est déjà de retour. Max Lalonde, toujours accompagné d'Étienne Danneau. Étienne? Oui, effectivement. Et on avait promis, Max, tu en as parlé dans la première demi-heure des tonnes de fois. Ouais. Un invité très coloré. Oui, puis on est content parce que c'est un gars qu'on a rencontré par le biais du travail puis par plein de circonstances. On est content de l'avoir parce que aujourd'hui on parle d'audace. On parle d'audace, d'être audacieux dans la vie, de prendre des risques. Et pour moi, c'était la meilleure personne au Québec pour nous parler de ça. Il est le master de la couture urbaine planétaire. Je vais le présenter comme il se doit parce qu'il l'a renoté à Penelope McQuaid lors de sa présentation, lors de son passage à Penelope. Mesdames, messieurs, Master Bugarici est avec nous. Ça se marre, man. Au moins, tu as fait tes devoirs. Penelope, mets ça dans ta pipe. Fait qu'on peut pas dire ton vrai prénom, c'est ça? Non, Marc Lessard dit jamais ça en nom. Non? Non. Never. Moi, je dis Marcus. Ouais, Marcus, ouais. Puis ceux qui sont chums avec moi d'enfance, ils m'appellent Marco. Ah ouais? Ils sont trois. Master, comment tu vas? Moi, je vais super bien. Je vais toujours bien, en fait. Moi, je vais mal. Quand je vais mal, je me cache. Ah oui? Okay, fait que là, si ça va bien, oui, j'ai 3 parfait. Enfants, j'ai appris à faker, mon chum. Mais on est content que tu sois là parce que on parle d'audace aujourd'hui, d'être audacieux dans la vie, de prendre des décisions, de prendre des risques. Et ton histoire, ce qui t'arrive aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure représentation de ça parce que pour les gens qui connaissent le master, mais un peu moins l'histoire, toi, t'as travaillé en construction pendant 18 ans, puis à un moment donné, t'as tout sacré ça là pour devenir le master planétaire de la couture urbaine. Soyons honnêtes, je connais rien dans Guinée. Soit partons avec ça, je connais rien là-dedans. Okay. La construction, c'est ma vie. Dans le fond, moi, j'étais un décrocheur. Ça, je devrais. En fait, ça mes enfants, on peut s'arranger qu'ils n'entendent pas cet enregistrement-là. Parce que là, ils sont à l'école, puis j'ai eu faire craque, j'ai fait l'université. moi, j'étais pressé dans la vie, pour vrai. Okay. J'étais un gars qui a toujours été pressé. Tu sais, j'avais des notes, là, on partira pas dans les chiffres, mais j'avais des bonnes notes à l'école, pour vrai. Moi, j'ai lâché l'école en secondaire 5, mon gars. Il restait 4 mois, c'était fini, puis j'ai tout lâché. Ben, ouais. Puis avec du recul, aujourd'hui, j'ai 43 ans. Aujourd'hui, je réalise que, OK, j'étais chanceux, j'avais la personnalité peut-être pour backer ça. Ben, j'ai pas vraiment eu besoin de diplôme. En fait, c'est pas vrai, j'en ai fait souvent des diplômes. La construction est venue à moi. Okay. Tu sais, j'ai eu une opportunité d'affaire avec un chum que son père faisait ça dans la vie. Okay. Puis j'ai juste rentré dedans, j'étais zéro manuel dans la vie. Zéro, zéro, zéro manuel. À part qu'on jouait au hockey et on maniait notre petit temps, là. Ouais. C'était à peu près tout. C'est tout. Puis je suis rentré dedans, puis je suis tombé en amour avec le métier. Puis tu faisais quoi en construction? Moi, dans le fond, ma spécialité, c'est devenu... Au début, quand j'ai commencé, il y a 18 ans, c'était le prélor, puis il y a les tapis. Okay. C'était bien gros, la mode, puis tout ça. Ouais. Puis quand ça a switché beaucoup à la céramique, je suis tombé là-dedans bien gros, parce que c'était beaucoup plus créatif. Ouais. Dans la céramique, mon côté artiste pouvait ressortir bien plus. Fait okay. que je suis vite devenu spécialiste des douches en céramique plein pied, faites à mitaine. Je me faisais amener des truelles à 400$ l'Italie. Je me trouvais bien gros. Des douches en céramique. Et clairement. Ah ouais. Fait qu'il y a des gens dans la région de Salaberry-Valleyfield qui ont des douches Master Bugarici. OK, vous pouvez rire à go, là, hein? Mais j'en ai qui m'ont écrit pour que j'aille la signer, la douche. T'es sérieux? Je te le jure. C'est vraiment cool. Mais ça, c'est le sentiment d'appartenance. Tu sais, en fait, ma personnalité, je ne l'ai pas développée avec Bugarici. Ouais. Je suis né comme... En fait, moi, je suis le 9e d'une famille de 10 avec un frère jumeau. OK. Aïe, aïe. C'était une question de survie. J'avais okay. pas eu cette personnalité-là, ou ça, je serais probablement mort aujourd'hui. Là, OK. Parce que tu parles de personnalité, t'en as une très forte. C'est ça qui ressort over probablement ton produit, ce que tu proposes puis ce que tu fais. Mais qu'est-ce qui t'a amené de partir ouais. de bien réussir en construction à tout sacrer ça là pour te partir, tu l'as dit, une shop de Guinée? C'est quoi la switch? Tu sais, ben la switch, en fait, j'allais le faire un jour, mais j'allais le calculer un peu plus. Tu sais, je suis pas un gars très calculé, mais j'allais, tu sais, je le prévoyais. Ça allait bien m'accompagner, ça faisait un bout, puis tu sais, j'essayais de ramasser de l'argent, j'y arrivais pas pendant tout. Mais tu sais, j'essayais d'arriver à ça à un moment donné, mais c'était pas quelque chose, je rêvais pas de commencer dans la mode. Je me disais, à un moment donné, ça va arriver. J'ai fait une douche chez un fortuné, en fait. J'ai fait une douche chez quelqu'un qui avait des sous, qui a trippé sur ma personnalité, tout simplement. Comme je suis aujourd'hui, j'étais pareil en construction. Tu sais, moi, j'ai jamais voulu faire de commercial en construction. J'ai jamais voulu aller où il y a pas de clients. J'ai jamais voulu ouais. aller travailler juste avec les corps de métier où les gars, puis ils se parlent pas, puis ça va pas bien. C'était ouais. pas ça. Okay. Moi, j'aime la vie. J'ai toujours aimé la vie, puis j'ai toujours forcé ça. Tu sais, quand je te disais tantôt en blague que je me cachais quand ça allait mal, mais c'est vrai pareil. Okay. Tu sais, je vis mes affaires, mais moi, je pense que... Puis à l'ère des communications, en plus, on est rendu à l'ère où on a toutes 50 000 façons de se parler, mais on prend toute la plus difficile, c'est-à-dire les textos. Ouais, ouais. On se parle plus. Moi, je trouve que même en construction, autant qu'en mode... Tout est question, tu sais, dans la vie, puis même toi, en tant qu'humoriste, tout est question de branding, tu sais, tout est question de comment qu'on... Il n'y a rien de positif, tout est négatif partout, tu sais, la télé, partout, tout, on est envahi du négatif. Moi, je vis ma vie, je dois être le nouveau Jean-Marc Chaput, je sais pas. Je suis le Fred Pellerin des PME. J'ai envie d'être heureux. J'ai vraiment envie d'être heureux, puis j'ai pas envie de vivre avec du monde malheureux. Souvent, on s'accroche à, tu sais, nos amis, des fois, on va s'accrocher à un chum. Là, je suis parti, je sais même plus où on s'en allait, mais on s'accroche à un chum, puis le chum-là, moi, je les appelle les grugeux de mollet. Ouais. T'apportes absolument rien, mais tu l'as traîné toute ta vie, là. Flush-moi ça. Puis entoure-toi du monde qui t'aime, puis qui te font triper. Mais... Ils sont positifs. Ben oui, juste le positivisme, puis tu sais, ça l'entraîne, ça. Quand tu faisais des douches, ouais. T'étais Marc Lessard. Ouais. Bugarici est né où? Comment? En fait, Bugarici, c'est pas vrai, parce que quand j'étais dans la construction, ma compagnie s'appelait Bugarici. Ça fait 20 ans que je traîne ça. Moi, j'ai okay. travaillé à Cuba. J'ai passé une saison à Cuba à début vingtaine, 20-21. Parce que je suis dyslexique des chiffres. Ouais. 20-21 ans, j'étais allé travailler à Cuba avec ma copine de l'époque. OK. J'avais une mission dans la vie. En fait, j'en avais deux à cette époque-là. Moi, j'étais un musicien. Je trippais sa musique. Je voulais ma contrebasse cubaine, puis je voulais finir mon espagnol puis le parler comme du monde. Je suis allé travailler là-bas, puis j'ai pogné ça. Je l'ai pogné, j'ai eu ma contrebasse. Puis... Sauf que j'étais là-bas en tant que représentant de destination, pour faire une histoire courte, en fait, moi, je les appelais, on était des pelleteux de marde, en fait, en bon français, c'est ça qu'on était. Quand tu arrives à l'aéroport, puis celui qui va te guider, puis qui va te vendre des excursions, ouais. puis qui va te sortir du trouble quand tu vas être dans le trouble, ben c'était moi qui t'aidais, là. Okay. Puis, on avait un chauffeur. En fait, tout le monde avec qui je travaillais, puis là, je name dropperais pas personne, mais tu sais, le monde qui était là-bas était très condescendant. Les gens avec qui je travaillais étaient pas très. Je travaillais juste avec des filles. Ouais, non, mais ils traitaient les Cubains comme si c'était vraiment les esclaves. On avait un chauffeur, on n'avait pas le choix. Ouais. C'était pas pour abuser le chauffeur, c'était parce qu'on était 8 dans l'équipe, il fallait se faire charrier d'hôtel en hôtel la journée longue. Fait qu'il y avait un char avec un chauffeur qui nous charriait tout. Okay. Moi, man, ce dude-là, c'était mon frère. Moi, je suis pas arrivé là en disant, moi, maman, je repars de site les poches pleines. Moi, je voulais parler l'espagnol, je voulais avoir ma contrebasse. Je faisais de l'argent là-bas. Là. Je faisais 700-800$ US le 20 ans par semaine. Mais crée-moi pas, je suis revenu de là avec Pinsen. À tous les jeudis, je pognais mon chauffeur, je demandais d'amener son cousin à un autre. J'allais à la panaderia. La panaderia, c'est où c'est que les chocolatines, tous les trucs. Moi, j'étais à Varadero. Puis ça, il n'y a pas un Cubain qui allait s'acheter des chocolats. Mais non, il n'y avait pas. Moi, j'allais là, puis je flobais 200$ US. Là. Lui, il broyait. Là. cette camaraderie-là, mais sentie, là. Mm-hmm. Ouais. Je suis pas un fakeur, là. Le dude, moi, il me faisait capoter. Parce que, tu sais, de travailler avec nous autres, puis t'as pogné avec des francophones, la plupart qui faisaient ma job parlaient même pas l'espagnol. Moi, tout ce que j'ai voulu faire, c'est apprendre la langue de la rue en rentrant là. Moi, j'apprenais pas l'espagnol avec le monde au bureau, j'apprenais l'espagnol avec lui dans le char. Avec les gens, quand ils cruisaient les filles l'autre bord de la rue. C'est toute cette langue-là que moi, j'ai appris au début. J'ai appris tout le trash, puis tout le côté vrai, dans le fond, de Cuba. Tu sais, j'ai pas appris l'espagnol. Qui a façonné un peu le personnage que t'es aujourd'hui. Totalement. En fait, j'ai pas appris l'espagnol, j'ai appris le cubain. Ça, okay. J'ai appris. Puis lui, comme là-bas, quelqu'un qui dit que je vais apprendre le français, non, finalement, il apprend le québécois. Même principe. C'était tellement dressé, bullseye, ça. Okay. Puis c'est drôle, l'analogie que tu fais est bonne parce que les Québécois versus les Français, mm-hmm. puis les Cubains versus les Espagnols, c'est exactement la même affaire. Un rit de l'autre par rapport à la façon qu'ils parlent. C'est okay. exactement la. Puis les Cubains font vraiment l'espagnol ce que nous, on fait au français. OK. C'est vraiment ça. Puis lui, là-bas, il y a une expression là-bas qui dit un bougaron de mierda. Si tu dis à un Cubain un bougaron de mierda, garanti, tu vas te battre. Garanti, tu vas te battre. Si tu dis ça à un Cubain, t'es sérieux qu'un rhum dans les mains, tu vas te faire péter ton verre d'en face. Okay. C'est sûr, certain. Lui, là-bas, il voulait m'appeler comme ça, mais de façon amicale. Parce que je le faisais beaucoup rire, puis okay. on s'aimait beaucoup. Ah, oui, j'ai acheté le bonheur aussi un peu dans tout ça, là, mais ouais. on avait une assez belle relation, puis lui, il m'appelait Bugarici. Okay. Il m'appelait Bugarici el Bugaron de Mierda. Puis c'est né comme ça. C'est né comme ça, puis non, je te dirai pas qu'est-ce que ça veut dire. Non, pourquoi? Ben, en fait, ça veut dire... ben, parce que ça va se retrouver partout. Si tout le monde va savoir ce que ça veut dire, Bugarici. Ah, puis toi, t'as jamais voulu dire? Ça veut dire un peu trou de cul, si tu veux. OK. Le foutu de marne, mettons. Un motherfucker. Ah ouais, tant que ouais. C'est ça que ça veut dire, Bugarici? Ça fit bien. Mais t'aimes ça, tu sais. moi, c'est ce que j'aime le plus de toi, parce que c'est ce que j'apprécie le plus de toi, c'est que t'es toujours le même gars partout où tu passes et que t'as aucun problème à être irrévérencieux dans un Québec en 2017 où tu peux plus rien dire et tu peux plus rien faire. Puis c'est drôle, puis moi j'étais content de te recevoir, mais j'ai vu des entrevues avec toi à la télé, à la radio, où je sentais que l'intervieweur était peut-être un peu mal à l'aise devant le personnage, parce que des Bugarici puis des personnages comme toi au Québec, il n'y en a pas 25. Ben, puis ça, c'est drôle, parce que ça me fait bien rire tout ça. Ça exprime exactement comment on est en 2017. On se fie tellement à l'apparence. Les selfies, là, vous en suivez, là, des filles. Ouais. Il n'y en a pas une qui se ressemble en vrai. Là. Ben non. Toute cette façade-là, ça s'appelle du branding. Absolument. Dans la mode, là, puis là, c'est des designers qui écoutent, capotez pas, mais toutes pareilles. Mm-hmm. Ils sont toutes pareilles. Fait que c'était pas vraiment dur, la game là-dedans. Le champ, il est libre. Là. Moi, je me sens comme un kid dans un plat de bonbons, puis personne ne veut jouer dedans. Parce que dans le fond, les gens portent les vêtements que t'as créés, mais portent d'abord et avant tout le stamp Bugarici comme le stamp Oakley. Moi, je le dis souvent, moi, Oakley m'a eu. Moi, Oakley m'a eu. Pour le golf, mon linge de golf, ouais. ils m'ont eu. Mm-hmm. Carré comme toi, t'as eu des gens pour la couture urbaine parce que t'as brandé tes affaires. Je te dirais que dans tout le projet, dans tous les accomplissements que je peux avoir fait dans ma vie, c'est probablement l'affaire que je suis le plus fier. C'est qu'en 2 ans et demi, pile, j'ai réussi à créer un brand. J'ai réussi à créer un brand qui est reconnaissable à travers le Québec. Je me dis, ça va tomber scénaire à du monde, mais dans la milieu artistique à Montréal, je suis le fucking talk of the town. En 2 ans, j'ai fait c'est ça clair. Tout seul avec aucune scène de mis en marketing. Zéro mais scène. Ton zéro. Marketing est devenu les artistes. Ben ouais. Et je t'écoutais en entrevue à Penelope et ouais. j'ai trouvé quelque chose dans l'entrevue de vraiment intéressant quand tu as dit, moi dans la vie, je suis groupie. Et t'as posé la question, est-ce que c'est mal d'être groupie en 2017? Puis on dirait que oui, c'est un peu mal vu, mais t'es groupie à quel point? Moi, je suis groupie au point que moi, ça me dérange pas, moi, que toi, que tu trouves que c'est juste Sepultura qui est cool. Moi, j'ai un écho du Sepultura, mais le dernier album de Bieber, c'est un chef-d'œuvre. Que si tu veux, je te dise. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est juste que si j'ai pas besoin de ton approbation pour me sentir beau puis ben. Je comprends. Tu sais, je me trouve pas beau, là. Je suis pas rendu là, mais je m'écœure pas. Puis je l'assume ça, j'assume juste ça. Puis dans le fond, si tu remarques, t'sais, pour revenir à ta question de base, dans le fond, t'sais, comment les gens nous perçoivent, puis tout ça, là, les gens, la plupart du monde pense que ça brosse, moi, là. Mais tu m'as-tu déjà vu ça brosse? Non. Jamais. Tout le monde pense que je dis des atrocités puis des affaires incroyables. M'as-tu entendu dire une atrocité puis des affaires? C'est du branding, c'est l'image. Le monde s'arrête à l'image parce qu'en fait, je sais très bien m'exprimer. Je n'ai pas 20 ans, j'ai 43 ans. J'ai 3 jeunes enfants. Je sais très bien où je suis dans la vie. Puis je sais très bien ce que je fais. Je suis sur mon X en ce moment, moi-là. Fait que c'est juste que moi, je suis bien. Les gens sont pas bien avec qui ils sont. Puis ils se projettent dans les autres. C'est juste ça que je fais pas. C'est juste. J'ai rien de plus smart que personne, mais je me projette pas dans personne. Absolument personne. Fait que moi, je suis groupie, mon gars. Je suis groupie de tout le monde qui est cool, puis qui est hot dans son affaire, puis qui se tient. Qui est passionné. Ouais, complètement. Toi, t'es un passionné, t'aimes les gens qui le sont. On dirait que tu me connais, tu m'énerves. C'est ça, mais c'est ça qui m'a tenu toute ma vie. Puis ça me fait rire parce que les gens, ils se font chier avec le job toute leur vie. Tu seras jamais ce que tu as voulu être dans la vie, buddy. Tu vas être qu'est-ce que tu as fait. Ça, c'est la théorie du piano. Moi, j'ai travaillé dans les maisons pendant 20 ans, OK? Ouais. Tu sais, on rencontre des gens, mettons, partout dans le monde, puis c'est le fun. Tu vois des couples, des fois, ils chicanent, tout ça. Mais tu connais pas le monde pour de vrai tant que tu ne vois pas chez eux, dans leur habitat. Ouais. Puis des fois, c'est décevant. Les gens, c'était quoi? Je m'en allais où? Il y avait un esti flash avec ça. Imagine, elle parle. C'était quoi ta question? La passion? Les passions, hein? Tu rencontres les gens dans la vie de tous les jours sur la rue, mais quand tu arrives chez eux, là, tu découvres leur vraie personnalité. Ah ouais, c'est jamais, jamais un flash. Mais faudrait le piano, la théorie du piano. La théorie du piano, merci de suivre. Oui, la théorie du piano. Check bien ça. Vas-y. Tout le monde rêverait de jouer du piano. Oui. Je connais personne qui rêverait pas de jouer du piano. J'ai vu des pianos dans 60% des maisons dans lesquelles j'ai posé de la céramique. OK. À chaque de maison que je faisais, c'était quoi la première affaire que je faisais? Tu penses à rentrer dans la maison? Jouer du piano. La première affaire que je faisais, j'allais me laver les mains. Je te jure. Je rentrais ma céramique, je voyais un piano, j'allais me laver les mains, m'assisais sur le piano, puis je poussais, puis je sais même pas jouer. Si je joue mes affaires à moi, je pianote. Un peu comme moi quand je suis allé à ton atelier l'autre jour, puis j'ai joué. Avec ta guitare. Oh yeah. Moi, je connais deux tonnes au piano. On a beaucoup plus d'affaires en commun qu'en tout cas que moi, je le savais. C'est exactement ce que t'as fait, ce que je faisais, puis toutes les fois, les gens venaient me voir, puis disaient, voyons, t'es donc bien bon au piano. Mais non, je suis pas bon au piano, je suis pourri. Mais j'ai le goût de jouer. Elle dit, ouais, moi, j'ai toujours voulu apprendre à jouer. Je dis, attends, mais on va faire, mais qu'est-ce que t'attends? Si tu penses-tu que moi, j'ai réussi à jouer du piano en espérant jouer du piano? Ouais. Ben non! Je me suis acheté un piano et j'en ai joué! C'est la même affaire avec la guitare, c'est la même affaire avec la bass, c'est la même affaire avec faire du linge, c'est la même affaire avec tout. Arrêtez de rêver vos vies. Faites ce que vous avez envie de faire. Puis quand tu fais ce que tu as envie de faire, puis moi, c'est sûr, la passion me drive. Tout le monde se colle à toi. Tu connais-tu du monde qui n'a pas le goût de travailler avec des passionnés? Faut-tu être frustrant calvaire, là? Non, c'est sûr. Puis tu vois, ce qui est bien intéressant dans ton discours, on en parlait avant d'entrer en onde, t'as gagné cette année un Gémeaux. Félicitations. Ben, tu sais, mets de l'écho quand tu dis ça, s'il te plaît. OK, on en rajoute. Vas-y, vas-y, Max, on rajoute l'écho. J'ai pas d'écho sur la console, mais t'as gagné un Gémeaux. On va rajouter Gémeaux, On va la mettre au montage. Mais t'as gagné un Gémeaux suite à une télésérie, t'es allé rencontrer Louis Morissette, il est tombé en amour avec le personnage, avec Marc, avec Master Bugarici, il a eu le goût de montrer aux gens t'étais qui, le personnage, et là, tu te retrouves avec un Gémeaux, mais je veux que tu nous racontes comment ça s'est passé ta fin de soirée quand tu l'as gagné, parce qu'il y a des gens qui font ça dans la vie pour ça, pour gagner des trophées, et toi, ça va pas l'air à te déranger trop. Ben, mais là, je serais vraiment un bullshitou de te dire que je veux pas gagner de trophée dans la vie. Moi, j'apprends absolument. Là, il y a de voir des parents qui vont capoter. Là. Moi, j'apprends pas à mes enfants à participer. Là. Lâche-moi que c'est un calice d'affaires de loser. Là. Oh non, c'est important ça, de participer. Non, mon gars, si tu joues au ballon chasseur dans la cour, essaye de gagner à toutes les fois que tu joues au ballon chasseur. Parce que, non, mais tu sais quoi ma théorie de ça, moi? Ouais. Ça s'apprend à gagner dans la vie. Puis ça s'apprend à être loser. Vrai. Alors, il y a 10 ans, puis j'essaie de tempérer tu ça. Tu dis là. Pas de même, mettons. Ah, ça s'ensemble un peu, mais pas tout à fait ça. Mais tu sais, c'est ça, là. De le partir sur les bases de l'importance de gagner. Fait que moi, quand on gagne ce trophée-là, on était à table premièrement. J'étais avec Alain Chicoine, qui est le partenaire à Louis, qui est le propriétaire de chez K.A. aussi. Puis là, ils sont tous là, puis ils sont tous crinqués, tout. Mais tu sais, tout le monde est... comment je dirais? Moi, je suis sûr que je gagne, aussi. Je te niaise pas, je suis sûr que je gagne. Je suis sûr que je gagne pas parce que je pense qu'aux autres, là, pas dire, oh non, c'est même meilleur notre show que l'autre contre qui. Je sais même pas contre qui qu'on est. J'en ai aucune petite idée. Tu connais pas non, je sais pas, non, je te jure, je le sais pas. Je sais même pas le nom de notre catégorie. Show web, docu, nest, patente, tu comprends même pas, je te jure, là. J'ai le pacing devant moi, puis là, ils sont rendus à notre show. Puis là, ils me regardent. Je dis, ben non, tu vois, on va y aller, man, on y va. Je sentais qu'on allait gagner. Mais on a gagné. Alain, là, il a gagné 2-3 trophées avant dans la soirée. Ouais, OK. Il a gagné pour un beau programme. En tout cas, il a gagné une coupe de prix. Il a gagné plein. Puis il était content, là. Ça paraissait, il montait sur le stage, mais il n'a pas explosé. Puis là, si Alain il écoute, commente, le pause, fait quelque chose. Là. Il n'a rien fait. Mais juste mon attitude que j'avais à table, quand on parlait de ça, là. Mais quand on a gagné, là, ah, man, il s'est levé de bout comme si on venait de scorer en overtime. Les deux bras dans les airs, puis les crions, là. Moi, quand je suis reparti de là, je suis parti physiquement avec le trophée. Ton Gémeaux. Ouais, mais tu sais, en fait, on est une équipe à tout les ça. Les gars, t'en l'ont laissé. C'est ça, en fait, c'est Alain qui me l'a laissé. J'avais pas d'affaires à partir avec plus que personne dans la gang, mais il était très, très gentil. En fait, c'était la soirée un peu du behind the camera, tu sais, puis j'étais comme le seul. Ouais, qui c'est l'autre gala qui appelle dans le fond. C'est en plein ça, tu sais. Okay. Il y a eu la gentillesse puis la courtoisie de me laisser partir avec. On était au Hyatt, puis on était au quatrième étage, puis je suis sorti de la salle avec le trophée dans les mains. Puis mon char, évidemment, moi, j'ai pas les moyens de me payer le parking, tu sais. J'étais parké dans la rue à 10 minutes de là. J'ai ri, je vous le jure, là, j'ai ri du moment que j'ai quitté la salle jusqu'à temps d'arriver à mon truc. Même qu'un gars dans la rue m'a arrêté à une lumière rouge parce qu'il trouvait que j'avais l'air bizarre avec mon trophée, puis j'ai ri. Pas de joke. J'étais crampé, pas parce que moi, j'étais confiant de gagner, mais en même temps que je me promenais avec le trophée, j'étais comme ça se peut comme pas, tu sais. J'ai jamais rêvé d'avoir un Gémeaux, moi, là. J'ai jamais pensé à en avoir un Gémeaux, là. Puis là, j'en avais un dans les mains. Puis ben, c'est en or, là. Mais c'est quand même fou. Bravo. Parce que, tu sais, si on prend l'analogie de ce qui s'est passé pour toi dans les dernières années, tu l'as dit, là, en dedans de 2 ans, t'as lancé un brand qui est connu partout au Québec, puis au sein des artistes. Tu sais, tu vas faire la robe de mariage de Valérie Roberts. Étienne va chez vous, il tripe à t'acheter du linge. Il y a plein de monde qui veulent se coller à Bugarici, le master de la couture urbaine. C'est ça la reconnaissance pour toi d'avoir... D'avoir été capable d'accrocher ces gens-là qui te donnent le stand. C'est cool ce que tu fais. Ben, c'est clair que, comme tout le monde, je veux une tape dans le dos. Ça, c'est certain. Moi aussi, je veux me le faire dire que je suis beau et que je suis bon. Mais là, on va arrêter de se compter des menteries, OK? Puis ça, c'est là une maladie québécoise. Puis on l'a tout. Tout le monde, là, on l'a tout. On veut tout faire de l'argent. Ouais. On en veut tout. Mais il n'y a pas un qui est game de dire qu'il veut des trocs. Moi, écoutez bien, là, puis bien grand tes oreilles, moi, je veux des trocs pleins. Je veux des trucks remplis de cash. Je veux être fucking riche. Non, t'as pas le droit de dire ça au Québec. Aussitôt qu'il y en a qui allant, ouais, Céline, c'est une ci, c'est une ça. Hey, mais tu sais quoi, quand elle fait son spécial à TVA d'une demi-heure le samedi soir pour nous montrer sa piscine, là, attendez pas, j'ai une piscine de même parce que ça va être le jeudi, le vendredi, puis le samedi, il va le faire à TVA, mon reportage. Si elle est contente. Non, mais moi, moi comment je vois ça, c'est moi, je les achète pas les albums à Céline. Tu sais, j'aime pas ça. Ben non. J'aime pas ça, mais je l'haïrai pas pour ça. Non. C'est pas vrai. Tu peux pas haïr la réussite des gens. Ben voyons, non, ce café, c'est complètement mon goal. Moi, quand je la vois à TVA, non, moi, je m'assieds et je la regarde. Même affaire. Là, moi, le dire. Ben voyons donc, je me dis que j'aimerais ça être là, j'aimerais ça être assis à sa place, puis j'aimerais ça vous en mettre plein à gueule. Puis c'est ça qu'elle fait dans son style à elle, dans son affaire à elle. Fait que moi, je vois une femme authentique, je vois une femme qui a réussi, puis qui est fucking riche. Fait que moi, ma vraie mission, là, je veux faire du cash, mais ma vraie mission, c'est jeter cœur en Las Vegas, se bourre les poches avec notre Céline. J'étais curé qu'on l'haïsse comme des épais collectivement. Je veux qu'on ramène Céline au Québec, dans notre casino, dans nous autres, puis on appellera ça le casino Céline. Hey, avez-vous déjà été jouer à son terrain de golf? Oui, plusieurs fois. J'ai été jouer avec Jean-Michel Anctil, OK? Oui. Je voulais me taguer. Il voulait faire le fraîchir que j'étais au golf avec Anctil. Fait que je voulais me taguer. Savez-vous sur Google qu'est-ce qui est écrit quand tu tapes le terrain de golf? Club de golf Le Mirage. Golf à Céline Dion. Buddy, c'est écrit le golf à Céline. Oui. Non, mais moi, c'est mon nouveau goal dans la vie, là. Quand t'arrives à Valleyfield, je veux que tu tapes Valleyfield, tu vois, il y a la ville à Master. As-tu réussi? Mais pourquoi qu'on se met pas tout en gang, puis qu'on l'amène pas ici? Quand t'es pas à Vegas, le PNB baisse. Ah ouais, c'est sûr. C'est des milliards qui perdent quand t'es pas là. Pourquoi qu'on la ramène pas ici? Ah ouais. Moi, les Chinois, là, qui prennent l'avion pour aller à Vegas pour dépenser 50 millions d'un soir, là... Hein? Qui viennent le dépenser ici sur 50 millions. Ouais. Ils vont pas là à Vegas pour se promener. Ils vont à l'hôtel puis ils vont au casino. Puis ils prennent l'hôtel dans le casino tellement qu'ils sont lâches puis abrutis. Mais non, mais faut pas dire. Mais c'est ça, c'est abruti. C'est complètement abrutissant. Pourquoi qu'on fait pas ça? Moi, je veux être le gars qui va ramener Céline au Québec pour notre casino puis ses choix. Pour notre économie. Pour notre économie. Puis tout le Québec, les artistes, j'en vois beaucoup, là. Vous allez tous voir son choix à Vegas, là. Vous faites toutes vos fraîchis parce que vous allez backstage avec puis vous vous posez avec. Mais il n'y a pas personne qui l'encourage ici. Pas un chat. J'entends personne prôner Céline ici. Nobody. Écoute. Mais quand ils sont l'autre bord puis devant elle, tout le monde chie dans ses culottes. Moi, j'aimerais assez. Première affaire que je fais, j'apprends dans mes brumes. Il n'y a pas de gossage puis de niaisage. Je la pointe comme elle doit faire les câlins à ses frères. Là. C'est ça que j'y fais la première fois, je l'avoue. Puis tu gages-tu quoi? Elle va triper. Mais c'est vrai qu'on a cette aversion-là envers les gens ici, qui réussissent à l'international, puis on les salue quand ça nous fait plaisir, souvent, quand ça nous sert à nous autres. Faut pas que ça nous enlève rien, on a peur de perdre notre petit pain. T'es bien mieux de faire partie en groupe d'une grosse affaire qu'être d'être le king d'une chaloupe. C'est vrai. C'est sûr qu'au Québec, on devrait se convaincre. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai tout le temps dit, le Québec, dans le fond, dans l'histoire du Menton, on est un petit bébé, on s'entend, là, si on est bébé, là. Sauf qu'on est un bébé qui est capable de courir. C'est ce qui arrive, là. Tu sais, l'identité, on partira pas dans la politique parce que tu vois, moi, l'échappant. Okay. Mais quand on est là, moi, ça me pogne au cœur parce que, dans le fond, tout ce qui nous manque, c'est ce petit home-là qui va faire que... On le sait tout, là. Vous savez, vous êtes pas deux caves, là. Les ingénieurs qu'on est ici sont écœurants. Notre musique est écœurante. Tout le monde la veut. Le cinéma, on est écœurant. On torche tout le monde. Hey! Los Angeles, ils ont le Walk of Fame. Le monde traverse la planète pour aller voir des étoiles sur le trottoir de des films de marde à 90%, avec des acteurs de marde à 90%, on s'entend, là, Stallone, ouais. sa carrière, il y a deux films qui a de l'allure. Là. Ouais. Mais nous autres, on se fait pas ça. Mais non, nous autres, on fera pas ça. Comment, on en a des monstres ici, nous autres, là, là. Le Cirque du Soleil, ils vont des champs, ce petit homme-là, ça finit plus. Mais non, nous autres, on en a pas. Statue d'Yvon Deschamps ici. Le monde prenne l'avion de l'Allemagne pour aller à Philadelphie pour voir la statue de Rocky Balboa. Comment ça qu'à Valleyfield ici, là, on ils peuvent-tu savoir qu'on est à Valleyfield? On enregistre à Valleyfield. Comment ça qu'il n'y a pas une statue de Robert Théoré ici? Mm. Comment ça que Pat Brisson, il n'y a pas un parc à son nom ici? C'est quoi ce niaisage-là? C'est vrai qu'on a de la misère à reconnaître. Ben oui, on le fait pas. On est bon pour chier sur le monde, on n'est pas bon pour s'encourager. Tu m'amènes à ma prochaine question, par exemple, Master. Ah, excusez-moi, je l'échappe. Mais non, ma prochaine question, c'était Valleyfield. Pourquoi Valleyfield? T'es bien à Valleyfield? Est-ce que c'est une ville où ça t'aide à créer? Parce que ce que tu fais, de la couture ou du branding et puis de la mode, c'est Montréal, logiquement, dans la tête des gens. Ah, mais c'est ça qui est drôle. Montréal n'a rien inventé, man. Montréal copie les autres places. Montréal, c'est pas le centre de l'univers. J'aime Montréal. Ah oui. J'aime Montréal, aller faire des festivals, débarquer là, tout ça. J'ai vécu là 10 ans, ça m'intéresse absolument pas. Pourquoi Valleyfield? Parce que je viens d'ici. Moi, là, dans 20 ans, j'ai beaucoup voyagé, là, puis je parlais à Playa del Carmen, la gang, là. Je ne me tenais pas là. J'aimais ça. Non, j'étais allé en Afrique, j'ai voyagé dans la misère comme un BS, mon gars, dans des voyages de fou. Tout ce que je faisais dans la vie, dans le fond, en 20 ans, c'était de payer mes cartes de crédit pour pouvoir les remplir en voyage. C'était juste, okay. C'était toujours juste ça. Valleyfield, parce que moi, je voulais faire des enfants. Puis moi, j'avais envie que mes enfants... Tu sais, moi, mes souvenirs, c'est même pas mon... J'ai fait un safari en Afrique du Sud, mon gars, une affaire de vie, de mon gars, le mental. Puis quand je ferme mes yeux, puis je pense à mes beaux souvenirs de vie, m'excuse, mais c'est quand je walkais dans le rue avec mes chums, puis quand on sait pas le plus, quand le char y arrivait, il fallait que le char recule puis qu'il parte, je te jure. Non, je vivais dans le projet Landry. On n'enlevait même pas le but dans la rue. Moi, c'est ça qui me drive. Fait que moi, j'avais envie que mes enfants aient une identité propre. Je sais pas qu'à Montréal, ils n'auraient pas. Tu sais, le seul point qui est négatif, qui reste, c'est le multiculturalisme, qui est à chier en région, il n'y en a pas. Puis ça m'énerve. Là. J'aimerais ça que mes enfants baignent un peu plus là-dedans, mais on peut pas tout avoir. Non. Sauf que moi, mes souvenirs que j'ai, c'est mes parcs, mes rues, tout ça. Ton attachement envers Valleyfield. Ben ouais, c'est clair. Puis la création, toi, en tant que.